بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Frères et sœurs en islam, bienvenue encore une fois à nos cours sur Al-Aqida Tahawiyya, la croyance de l'islam selon le texte très connu de l'imam Al-Tahawi alayhi rahmatullahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. On est toujours avec le premier chapitre qui traite du concept de la foi, qui traite du concept de ce qu'on appelle en arabe Al-Iman. Al-Iman. Et qui pourrait nous rappeler quel est le sens de l'Iman encore une fois? On avait mentionné que selon certains ulama, le sens dans la langue arabe du mot Al-Iman, qu'est-ce que ça veut dire? C'est? Ok, Iman selon en fait, linguistiquement ou religieusement? Commençons par le sens linguistique. Selon certains ulama, en fait, je dis religieux, donc linguistique. Le frère Al Al-i'tiqad. Al-i'tiqad, ou bien quelque chose d'encore plus précis, un autre mot qui est At-tasdiq. On rappelle encore une fois. Selon certains ulama, ils disent que Al-Iman, dans la langue arabe, ça veut dire At-tasdiq. Quel est le sens de At-tasdiq? C'est quand tu approuves une information, d'une forme ou d'une autre, n'est-ce pas? Et on avait dit que l'erreur à ne pas faire, c'est d'assumer que at-tasdiq, c'est seulement le fait de croire avec ton cœur. Et on avait mentionné qu'il y a un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous prouve que at-tasdiq peut être même avec tes actions. Ça veut dire que parfois, avec ton action, tu vas confirmer une information. Tu vas confirmer une information qu'une personne est en train de te dire. À travers tes actions, tu es en train de dire, tu dis vrai, en d'autres termes. Vous voyez, donc, at-tasdiq, c'est beaucoup plus large si on va assumer que le sens de l'iman, c'est bien at-tasdiq. Et en plus de ça, on avait dit que dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a parfois un sens linguistique originel dans la langue arabe qui est par la suite modifié par la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme, par exemple, pour le sens de la salate. On avait mentionné que la salate, dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Le dua, le simple fait de faire une prière, n'importe quelle prière, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire de faire la ibada en général. Mais que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire la salate, ce n'est pas n'importe quelle salate, il nous demande de faire une salate de façon qui est très précise. Ça veut dire que pour l'iman, c'est exactement la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'avoir l'iman, mais ce n'est pas n'importe quel iman. Ce n'est pas le simple fait d'avoir la croyance. Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé le sens de l'iman. Et quel était le sens de l'iman maintenant dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est une croyance. Ça commence, c'est vrai que ça commence avec la croyance, n'est-ce pas? Croire en Allah subhanahu wa ta'ala et au reste des piliers de la foi. Mais une croyance qui vient avec l'amour et la soumission à notre Créateur. Ça veut dire ça, c'est ce qu'on avait appelé la racine de la foi, de l'iman, ça veut dire aslu al-iman. Si cette racine-là n'existe pas, il n'y a pas de iman à l'intérieur du cœur de la personne. Même si elle a la simple croyance, n'est-ce pas, ça ne fonctionne pas. Ou bien l'amour sans la soumission, ou bien la soumission sans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le iman en tant que tel n'est pas valide. Après ça, on avait mentionné que quand le iman dans sa racine est présent, il doit nécessairement donner lieu à quelque chose, ça veut dire à certaines actions, à une certaine quantité, ne serait-ce qu'une quantité mineure d'actions. Et là, c'est ce qu'on appelle, on a commencé à entrer dans le domaine de ce qu'on appelle al-iman ou al-wajib, ça veut dire le iman qui est nécessaire, qui est obligatoire. Voyez-vous, donc là, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, ça veut dire le fait de faire les obligations et d'éviter les interdits. Si quelqu'un, il vient le jour du jugement, il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec ce iman-là qui est le iman obligatoire, le iman requis et nécessaire, n'est-ce pas, qui est le iman des obligations en quelque sorte et du fait d'éviter les interdits, Allah subhanahu wa ta'ala lui garantit le paradis et le salut des feux de l'enfer. Et après ça, il y a le iman qui est optionnel, ça veut dire, ça c'est en quelque sorte, c'est vers l'infini. C'est d'une personne à une autre, hum darajatun inda rabbihim, ça monte, jusqu'à ce que ça arrive au iman que les anbiya, les prophètes, ils ont alayhim assalam, et ainsi de suite. Et on avait mentionné aussi qu'il y avait une différence entre l'iman et entre l'islam. On avait dit qu'il y avait l'iman et il y avait l'islam, et que ces deux concepts-là, ces deux mots-là peuvent référer à deux définitions, à deux sens différents, dépendamment de leur contexte d'utilisation. Ça veut dire que quand l'iman est combiné avec l'islam, il représente deux parties de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iman, il va référer à l'aspect abstrait de la religion. Ça veut dire ce qui est à l'intérieur du cœur. Et l'islam va référer à l'aspect pratique, l'aspect concret de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le mot islam en tant que tel, n'est-ce pas, à sa source, il vient de la soumission. La soumission, ça veut dire c'est les pratiques, n'est-ce pas, ça veut dire al-dhahir. Ça veut dire en pratique, en apparence, tu es quelqu'un qui est soumis à ton créateur, tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la source, la racine de l'islam. Tandis que la racine de l'iman se retrouve à l'intérieur, voyez-vous. Et de là, on va passer aujourd'hui, inshallah ta'ala, à la prochaine section qui est extrêmement importante et qui contient certaines informations qui pourraient être parfois difficiles à comprendre. Encore une fois, j'insiste que ce chapitre-là, c'est peut-être le chapitre le plus difficile de tout le texte de Al-Aqida Al-Tahawiyya qu'on est en train d'étudier. C'est pour ça qu'on va avancer petit à petit, inshallah ta'ala. Donc, pour la section qu'on va lancer maintenant, inshallah ta'ala, ça s'appelle la section qui nous parle de ce qu'on appelle Al-Hukm bil-Islam, wal-Hukm bil-Kufri, wal-Rabt bayna al-Zahiri wa al-Batin. On va parler de la question maintenant de la relation entre l'interne et l'externe. L'être humain est un tout qui est homogène. Ça veut dire qu'on le veuille ou bien qu'on ne le veuille pas, l'être humain ne peut pas, c'est impossible pour l'être humain, n'est-ce pas, d'être comme ça, pleinement, à 100%, d'avoir deux personnes qui seraient différentes. La personne de l'intérieur et la personne de l'extérieur. Même si quelqu'un va s'efforcer à le faire, comme Al-Munafir, comme l'hypocrite, mais ça ne va pas fonctionner à 100%. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a une relation permanente et continue entre l'interne et entre l'externe. L'interne, il va donner ses fruits à l'extérieur, à travers les actions. Ça veut dire si le cœur est sain, les actions seront saine, comme dans le hadith du prophète, alayhi salatu wasalam. Si le cœur est pur, les actions seront pures. Si le cœur maintenant est corrompu, qu'est-ce qu'on va avoir? Les actions seront corrompues. N'est-ce pas? Al-Munafiq wal-Iyadu billahi ta'ala, il peut s'efforcer d'essayer de montrer de bonnes actions, même si le cœur il est corrompu. Mais en réalité, ça ne va pas fonctionner à 100%. Donc, c'est inévitable que quand le cœur est corrompu à l'intérieur, les actions seront aussi corrompues. Voyez-vous, donc, le cœur, l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il alimente l'extérieur. Le contraire est aussi vrai. Ça veut dire l'extérieur, il alimente aussi l'intérieur. De quelle façon? Quand une personne fait une bonne action, quel est l'impact de cette bonne action? Son iman, sa foi, incluant la foi qui est à l'intérieur du cœur, va augmenter. Et quand une personne désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? La foi va diminuer. Voyez-vous, donc, c'est une machine qui fonctionne en permanence, entre l'interne et entre l'externe, entre le cœur et entre les actions. Il n'y a pas en quelque sorte de barrage entre les deux et de limite entre les deux, c'est parce que c'est une relation qui est permanente et qui est continue entre ces deux aspects de la personne comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Et quand on parle aussi de cette relation entre l'interne et entre l'externe, on va parler dans cette section, inshallah ta'ala, d'une autre question qui est extrêmement importante, qui est la question de al-hukmu. Ça veut dire le jugement. Quand on juge d'une personne en islam, on réfère ici bien sûr au domaine de la foi. Ça veut dire quand on juge de quelqu'un, que quelqu'un est un croyant ou bien qu'il est un mécréant. Muslimun ou kafirun, un musulman ou bien un non-musulman. Quels sont les fondements, quelles sont les bases, quelles sont les règles, quelle est la logique qui régit notre jugement sur ce point-là? Bien sûr, c'est important ici de mentionner, n'est-ce pas, une choubha que plusieurs personnes répètent de nos jours sans nécessairement comprendre pourquoi ils disent ça, mais c'est juste quelque chose qu'ils entendent ou bien qu'ils lisent ou autre chose et ils répètent ça de façon qui est aveugle. Donc, c'est important d'insister sur ça, même si ce n'est pas mentionné dans le livre en tant que tel, c'est parce que c'est une nouvelle, entre guillemets, comme ça, innovation qu'on a de nos jours. Qui est la question de dire, mais pourquoi juger d'une personne? Est-ce que c'est nécessaire de juger que quelqu'un est musulman ou bien non musulman ou autre chose? Est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire. C'est parce qu'il y a un impact sur ça, n'est-ce pas? Il faut distinguer entre la question de juger si une personne est musulmane ou non musulmane, un croyant ou bien un mécréant, ça c'est une question. Et on va voir, inshallah ta'ala, plus tard, on va voir toute une section sur ça, qu'il y a une autre question, qui est la question de juger quelqu'un dans son au-delà. Ça veut dire qu'il va aller en enfer ou bien au paradis. Ça c'est une autre question. Il ne faut pas mélanger elle avec l'autre. Voyez-vous, la question du jugement dans l'au-delà, inshallah ta'ala, on va voir que c'est quelque chose qui est plus sensible. C'est parce que le jugement de l'au-delà, n'est-ce pas, c'est pour ça qu'on appelle le jour dernier. Le jour du jugement, c'est parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va juger entre les gens. C'est qui va aller au paradis, c'est qui va aller en enfer. Il ne faut pas mélanger ça avec cette question-là qui est relative au jugement dans ce bas-monde. Ça veut dire, dans ce bas-monde, c'est nécessaire qu'on juge de la religion d'une personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des impacts. Il y a des impacts sur ça, n'est-ce pas? Qui pourrait nous mentionner certains de ces impacts? Oui. Par exemple, le fait de marier deux personnes. Le mariage, n'est-ce pas? Le mariage. Si quelqu'un se présente chez toi, il demande la main de ta fille, mettant tu as une fille, bien tu as une sœur, n'est-ce pas? Toi, tu joues le rôle de tuteur en quelque sorte, tu as une responsabilité. Alors là, avant d'accepter une telle personne, n'est-ce pas, bien sûr, comme on le comprend tous, la condition numéro une, c'est que une musulmane va seulement épouser un musulman. Donc, moi, je dois savoir, est-ce que tu es un musulman ou bien tu n'es pas un musulman? Quelque chose de plus simple que ça et de plus quotidien en quelque sorte, la viande, n'est-ce pas? On parle tous de la viande halal, halal, halal, halal, halal. C'est quoi la viande halal? Bien sûr, il y a une autre forme de la viande halal que beaucoup de personnes ne connaissent pas, n'est-ce pas? Qui est la viande qui est sacrifiée par les juifs et les chrétiens. On ne va pas entrer dans ça. Ça, c'est une question de fiqh, n'est-ce pas? Mais ce qui nous intéresse ici, parlons de la viande halal des musulmans, d'un musulman. Ça veut dire ce que les gens appellent de nos jours en réalité le halal, communément. C'est quoi le halal de nos jours? Les gens vont aller chez un musulman, n'est-ce pas? Un boucher musulman pour acheter de la viande. Je lui fais confiance, c'est mon frère, hein? L'islam. Maintenant, est-ce que ça, c'est important ici de connaître, est-ce qu'il est musulman ou bien il n'est pas musulman? Oui, c'est important. La même chose pour salat, pour la prière, n'est-ce pas? Si quelqu'un, il va diriger la prière, il veut diriger la prière, pour que ma prière soit valide derrière lui, il doit être un musulman. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est une chose qui est importante. Il ne faut pas mélanger entre juger de la religion de la personne et juger de son au-delà. L'au-delà, c'est une autre chose. L'au-delà, c'est une autre chose, on ne peut pas savoir. On ne juge pas si quelqu'un va aller au paradis ou bien en enfer. C'est Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala qui va juger. Une autre chose qui est importante ici, une autre chose qui est extrêmement importante, encore une fois, même si elle n'est pas mentionnée dans le texte en tant que tel. Juger de l'islam ou bien de al-kufr d'une personne, n'est pas une chose qui revient seulement à la personne elle-même. Je répète encore une fois. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que moi je suis musulman qu'il va toujours être musulman. Ça veut dire, c'est pas nous, c'est pas seulement pour les autres, c'est ni les autres ni moi-même, n'est-ce pas, qui avons le droit absolu comme ça, de juger toujours. Ça veut dire, c'est pas à moi de décider si je suis musulman ou bien je suis pas un musulman. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. Ça veut dire qu'il y a des règles, il y a des limites que Allah subhanahu wa ta'ala a imposées. On va donner un exemple. Quand tu as une personne qui est employée à l'intérieur d'une compagnie, cette personne-là ne travaille pas de la façon dont elle devrait travailler. Mettons que la personne travaille, n'est-ce pas, dans une compagnie qui est une compagnie de renommée, qui est respectable et ainsi de suite. Et c'est un prestige de dire que moi, je travaille pour telle ou bien telle autre entreprise. La personne ne fait pas son travail de façon qui est convenable. On va lui donner un premier avertissement, un deuxième, un troisième, n'est-ce pas? Une fois qu'elle dépasse certaines limites qui sont déjà détaillées à l'intérieur des politiques internes de cette entreprise, on va la mettre dehors. On va dire, ça y est, tu n'es plus un employé. On ne t'accepte plus à l'intérieur de notre entreprise. Après ça, est-ce que ça va servir quelque chose? Est-ce que ça va changer quelque chose si lui, il insiste pour être reconnu comme un employé? Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Est-ce que son opinion à lui va compter pour quelque chose? Si lui, quand même, il garde, n'est-ce pas, son ancien badge, il va se présenter devant ses amis, il va dire « Moi, je travaille pour telle entreprise. » À chaque matin, il va se présenter devant la porte, il va dire « Moi, je travaille ici, etc. » Est-ce que ça compte pour quelque chose? Est-ce qu'il va dire « Tant que moi, je n'ai pas jugé que je ne suis plus un employé de cette entreprise, je ne suis plus un employé. » Non, ça ne revient pas à toi en tant qu'employé de décider c'est à quel point que tu n'es plus un employé ou bien que tu es un employé. Même si tu insistes pour dire que je suis un employé, tu ne l'es plus. C'est parce que les politiques internes de l'entreprise en tant que telle ont décidé de te mettre dehors à travers, bien sûr, les personnes qui sont responsables. Ici, c'est le même exemple. Il y a des personnes qui croient que tant que quelqu'un, il dit que moi, je suis musulman, on doit le reconnaître comme étant un musulman. Et ça, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai jusqu'à une certaine limite, comme on va le détailler, inshallah ta'ala. Mais il y a des limites dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on le répète à chaque fois, une religion qui n'a pas de limite n'est pas une religion. Ça, si tu enlèves les limites de la religion, n'est-ce pas? Si tu enlèves les limites d'un pays, n'est-ce pas? La même chose, on peut mentionner un autre exemple, n'est-ce pas? Dans certains pays, il y a certains crimes qui peuvent être considérés comme de la haute trahison, n'est-ce pas? Qui impliquent que tu seras déchu de ta nationalité. On ne te reconnaît plus à l'intérieur de ce pays. Ça veut dire, on va te dire, dehors, tu sors, n'est-ce pas? Si quelqu'un va par la suite venir et insister, n'est-ce pas, devant les frontières pour dire, non, moi, je suis toujours un citoyen, etc., ça ne compte pour rien. Son opinion ne compte pour rien, c'est parce que ce n'est pas toi qui décides en d'autres temps. Voyez-vous, donc, la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a des limites. On va voir, oui, c'est une autre question, comme on va le détailler, inshallah ta'ala. Il y a des gens qui ont exagéré, n'est-ce pas, dans ce genre de limites, comme Al-Khawarij par exemple, et ainsi de suite, qui, pour la moindre erreur, ils vont te mettre dehors. Wa alaykoum salam. Est-ce que tu peux juste fermer la porte, là, pour qu'on n'ait pas beaucoup de monde. Donc, ici, regardez ce qu'il nous dit. قال المصنف رحمه الله تعالى. Ici, bien sûr, comme toujours, il nous mentionne, première chose, le texte de l'imam Al-Tahawi, رحمه الله تعالى, ça veut dire le texte original. قال المصنف رحمه الله تعالى ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. Il dit on appelle, on nomme les gens de notre qibla. C'est qui les gens de notre qibla? Ça c'est en quelque sorte une expression qui est à connaître par cœur. Pour vous, personnes qui avez pris des cours de aqida de croyance, c'est une expression qui est importante. C'est qui les personnes qu'on appelle les personnes de notre qibla? C'est quoi la qibla? La qibla, c'est la direction pour la prière. Notre qibla, c'est quoi? C'est Al-Ka'ba, n'est-ce pas? C'est la Mecque. Donc ici, quand on dit les gens de notre qibla, ça veut dire toute personne qui, quand elle veut adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, se dirige vers la Mecque. Ça, c'est l'une des choses qui distingue un musulman, c'est qu'il prie vers la Mecque, n'est-ce pas, vers Al-Ka'ba. Donc ici, on dit Ahlu Al-Qibla. Quand on dit Ahlu Al-Qibla, on réfère aux musulmans en général. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est une expression qui est fréquemment utilisée par les savants, par les ulama. Ils disent « Ahlul Qibla, Ahlul Qibla ». Ça veut dire quand une personne se dirige vers la Qibla. Comme il nous dit ici « Wa nusammi ahla qiblatina, muslimina mu'minin, madamu bima ja'a bihi nabiyu sallallahu alayhi wa sallama mu'tarifina, walahu bikulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin ». Il dit, on nomme les gens de notre Qibla, ça veut dire les personnes qui prient vers notre Qibla, on les nomme des muslimines et des mu'minines, des personnes qui ont le islam et des personnes qui ont le iman. Est-ce que vous êtes à 100% d'accord avec ce qu'il dit ici? Est-ce qu'on pourrait faire une remarque sur ça? Comme quoi? Le fait de dire mu'minine. Donc ici, il dit muslimine et il dit mu'minine. La dernière fois, on avait mentionné que selon plusieurs ulama, n'est-ce pas, on n'a pas le droit de qualifier quelqu'un de mu'min. On dit muslim. Donc ça, c'est une remarque qu'on pourrait, c'est une petite critique, n'est-ce pas, qu'on pourrait faire sur le texte de l'imam Tahawi, rahmallah. Bien sûr, on répète et on le rappelle à chaque fois, n'est-ce pas, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, sont les deux seules références qui sont infaillibles. Ça veut dire tout autre texte, tu peux le critiquer. Pas libre à toi, ça veut dire à moi de critiquer comme ça, n'est-ce pas, je veux critiquer, je critique, mais on le critique à travers les autres règles que les savants de l'islam, ils ont décidées. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا » Tout autre texte qui vient d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala va contenir des contradictions, des oppositions à l'intérieur, ça veut dire des erreurs et des failles. Il n'y a rien qui est infaillible à part le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc quand on critique, n'est-ce pas, certaines expressions de l'imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, ça ne réduit pas la valeur de l'imam al-Tahawi en tant que grand savant de l'islam. Mais comme on l'avait mentionné la dernière fois, l'imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, il dit parfois des choses, n'est-ce pas, qui sont critiquables sur les questions de l'imam. C'est parce qu'il veut aller avec la définition de l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala du concept de l'imam de la foi. Et en même temps, il veut aller avec, en quelque sorte, la majorité des autres savants. Il veut être, pas neutre, il veut être conciliant, en quelque sorte, envers tout le monde, n'est-ce pas? Et ça, parfois, ça mène à certaines contradictions et certaines oppositions. Il dit tant qu'ils reconnaissent tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ramené comme message et comme information. Et tant qu'ils font confiance, ils croient à toute chose qui nous vient du prophète alayhi salatu wa sallam, ça veut dire à la règle, à la base, toute personne qui prie vers notre Qibla, on le nomme un musulman. Et comme il prétend, ou bien comme lui, il pense, Imam Tahawi, rahimahullah ta'ala, il dit, on le nomme un mu'min. Regardez ici, on a un hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, dans lequel il dit, le prophète, sallallahu alayhi wasalam, « Man salla salatana, wa staqbala qiblatana, wa akala dhabihatana, fa huwa al-muslimu, lahu ma lil-muslimi, wa alayhi ma ala al-muslim. » Il dit, le prophète, sallallahu alayhi wasalam, « Tout celui qui prie notre prière, et qui se dirige vers notre Qibla, et qui mange notre viande, n'est-ce pas? Alors c'est lui le musulman, qui a les mêmes droits des autres musulmans et les mêmes obligations des autres musulmans. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? Qui pourrait nous dire qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith? Qu'est-ce que ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous démontre? Donc, c'est ça ce que le hadith nous montre, n'est-ce pas, de façon lettre par lettre et mot par mot. Mais si on prend le hadith au sens plus général, c'est parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici est en train de nous dire des exemples. Les exemples les plus, en quelque sorte, les plus annoncés, les plus visibles. Oui, mon frère. En fait, tant que l'aspect externe, tant que l'aspect pratique, l'aspect externe est apparent, on les considère comme musulmans. Exactement. Ça veut dire que le jugement de l'islam, comment considérer qu'une personne est musulmane? Comment dire que lui, dans quelle situation on peut qualifier qu'une personne est musulmane? Est-ce qu'il y a une procédure spécifique à chaque fois à vérifier avec les personnes? Est-ce que tu dois demander à la personne, c'est quoi ta religion? Après ça, t'es musulman? Ok. Quels sont les piliers de la foi? Ok. Est-ce que t'as fait ta prière aujourd'hui? Ok, est-ce qu'on demande ce genre de questions? Non, n'est-ce pas? Ça, c'est relououn, c'est de l'excès, c'est de l'extrémisme dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir plus tard, inshallah ta'ala. À la règle, tu prends les choses de façon qui est simple. tout celui qui montre en apparence quelque chose qui fait partie des traits distinctifs des musulmans, tu vas automatiquement le considérer comme étant un musulman. Comme par exemple, quand quelqu'un se dirige vers la Qibla, quand quelqu'un, tu dis, c'est par où la Mecque? Tu dis par ici. Il va s'asseoir, il va commencer à faire des doigts, n'est-ce pas? Par défaut, tu vas le considérer comme un musulman. C'est parce que quelles sont les personnes habituellement qui se dirigent vers la Mecque? C'est les musulmans. Si quelqu'un il te dit, ou bien tu le vois en train de faire la prière que nous on fait en tant que musulmans, pas n'importe quelle prière, il fait la prière de Dhuhr ou bien de Asr, ça veut dire de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat, tu le considères par défaut comme étant un musulman. Bien sûr, si quelqu'un dit, moi je suis musulman, c'est la même chose. Si quelqu'un dit al-shahada, n'est-ce pas shahadatayn? Si quelqu'un, par exemple, il te dit, moi je fais le jeûne de Ramadan. Si quelqu'un, il fait la tahiyya de al-muslimin, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, le salut des musulmans, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Par défaut, tu le considères comme étant un musulman. Quelqu'un pourrait dire, mais ça se peut que ce soit un hypocrite, ça se passe, ça se peut, ça se peut. Comment répondre à une telle personne, oui. On ne peut pas voir le batin. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur des cœurs. Ce qui veut dire que... On juge par l'apparence, oui. Un musulman, tout un musulman est mu'min, ça veut dire qu'il peut être un musulman sans être... Exactement. Donc, on va dire à la personne, n'est-ce pas, c'est là où l'erreur arrive. On va lui dire, moi, je n'ai pas jugé que la personne, c'est un mu'min. Je te dis que c'est un musulman, n'est-ce pas? Et... Les droits et les devoirs dans ce bas monde se relient à l'islam, pas à l'iman. Il n'y a pas un hukm. Écoutez bien ça. Il n'y a pas un jugement, il n'y a pas une loi, il n'y a pas une règle dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala relative à cette vie du bas monde qui est reliée au mu'min et non au muslim. Vous comprenez? Je répète encore une fois. On n'a pas de règle dans la jurisprudence, ça veut dire dans l'aspect pratique de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce bas monde, on ne parle pas de l'au-delà. L'au-delà, c'est différent. Le jour du jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est différent. Les mu'minines, c'est une chose, et les muslimines qui n'avaient pas atteint le degré de mu'minines, c'est un autre niveau. Mais dans ce bas monde, ça veut dire dans nos interactions entre personnes, à l'intérieur des familles, des communautés, devant le juge et ainsi de suite, il n'y a pas une règle dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui distingue le mu'min du musulman. Il n'y a pas une règle, n'est-ce pas? Il n'y a pas une situation dans laquelle le juge va regarder quelqu'un et va dire « Bon, toi, parce que tu es un mu'min, je vais te faire une faveur. Toi, c'est parce que tu es seulement un musulman, alors tu dis faux. » Et ainsi de suite. Il n'y a pas une chose qui est pareille. Les règles dans ce bas monde, al-ahkam, les lois et ainsi de suite, sont toutes reliées au Islam, musulman ou bien non musulman. Sois clair. On va le voir plus tard, inshallah ta'ala, que ça, c'est une chose qui est très importante. On le voit de nos jours, par exemple, avec certains groupes comme ça, n'est-ce pas, qui souffrent, n'est-ce pas, de phénomènes de jahl, de l'ignorance et d'extrémisme et ainsi de suite, n'est-ce pas, et qui va juger les gens par certaines affiliations, qui ne sont pas des affiliations de l'islam. Celui qui vient à ma mosquée, c'est lui que je lui dis salam alaykoum. N'est-ce pas? Celui qui ne vient pas à ma mosquée, c'est un égaré. Donc, si tu le vois dans la rue, tu ne dis pas salam alaykoum. Tu ne parles pas avec lui, n'est-ce pas? Tu ne vas pas chez lui à la maison s'il t'invite, ainsi de suite. Et tout ça, ibtida'un fi dinillahi azza wa jal. C'est des innovations dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réponds-moi clairement, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas salam alaykoum? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas avec ton frère et ainsi de suite? Tu me dis que c'est un égaré. De quelle forme d'égarement est-ce que tu parles? Est-ce que c'est un croyant ou bien un mécréant? Décide maintenant. Dis-moi, est-ce que c'est un musulman ou bien un non-musulman? Sois clair. Si tu me dis que c'est un non-musulman, ça veut dire soit que tu me ramènes les preuves que tu as le droit de faire le takfir, ou bien c'est toi qui es un innovateur. C'est parce que là, tu n'as pas, il n'y a pas de différence entre toi et entre les khawarij. Vous comprenez? Et si tu me dis, non, c'est un musulman, mais quand même, je ne lui dis pas salam alaykoum et ainsi de suite, parce qu'il ne fait pas partie de mon groupe, parce qu'il n'écoute pas à mon cheikh, il ne vient pas à ma mosquée, ainsi de suite. On va te dire, toi, c'est toi qui es un égaré dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que tu viens de ramener une nouvelle innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait une distinction entre les musulmans de mon groupe et les musulmans à l'extérieur de mon groupe. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Oui. Taïb. Bien sûr, il y a autre chose après ça qui n'a rien à voir avec ça, qui est relié aux préférences. Ça veut dire, quand on parle ici du musulman, n'est-ce pas, chaque musulman a des devoirs et des droits dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui pourrait nous mentionner l'un des droits des musulmans, par exemple? Oui. En fait, quelqu'un, quand il éternue, tu lui dis « Yarhamukallah ». Quoi d'autre? En yusalla alay, n'est-ce pas, quand il va mourir? N'est-ce pas? C'est fardu kifaya. Les musulmans doivent le prendre en charge, n'est-ce pas, pour faire sa janaza, ses funérailles, prier sur lui, et ainsi de suite. Ça, c'est l'un des droits des musulmans sur les autres musulmans. Donc ça, on parle ici de droits et de devoirs. Maintenant, ce qui est plus que les droits et les devoirs, ça revient à toi, n'est-ce pas? Si quelqu'un va dire, bon, ce frère-là, je ne l'aime pas beaucoup, n'est-ce pas, pour ses croyances, pour son comportement, autre chose, je ne veux pas qu'il soit mon ami, mon meilleur ami, je ne veux pas passer trop de temps avec lui, etc. Ça, c'est tes affaires, il n'y a personne qui te parle de ça. Mais quand on parle, n'est-ce pas, des droits et des devoirs, n'est-ce pas, du comportement minimal, du comportement éthique et ainsi de suite, là, c'est relié à l'islam ou bien au kufr de la personne en tant que telle. Oui. Juste pour mentionner le hadith qui dit toute personne qui se dirige vers la Qibla, oui, qui fait la prière, qui mange notre viande, ce hadith nous montre que, genre, pour juger une personne, on se réfère à l'aspect extérieur, c'est bien ça? Oui. Regarde, ici l'imam, il nous cite ici l'imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, à la marge, qu'est-ce qu'il dit comme commentaire sur ce hadith? Il dit « Fihi anna umura nasi mahmoulatun ala al-zahiri, faman adhara shi'ara al-dini ujriyat alayhi ahkamu ahlihi ma lam yudhir khilafa thalik. » Il nous dit que les jugements dans ce bas monde sont reliés au apparences. Et que toute personne qui montre, n'est-ce pas, certaines pratiques de l'islam, on va le considérer comme étant musulmane tant qu'elle ne démontre pas clairement le contraire. C'est clair? Après ça, regardez ce que, écoutez ce que l'imam Tahawi, rahimahullah ta'ala, il dit. Il dit « وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم الى الله تعالى. Il dit, et on n'a pas le droit de témoigner contre un musulman en le traitant de mécréant, de polythéiste ou bien d'hypocrite tant qu'il ne montre pas ce qui prouve notre accusation en quelque sorte. Ça veut dire à la règle. Quand quelqu'un entre dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, moi et toi n'avons pas le droit de le prendre et de le faire sortir. Sauf quand on a quelque chose de clair, comme on va le mentionner, incha'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Il lui dit ici, فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ. Ça c'est le charih, pas l'imam Tahawi, rahimahullah. Il dit, فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِارْتِكَابِ الذَّنْبِ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ أَوْ يُكَذِّبْ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Regardez ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Imam Ibn Abi al-Izz, celui qui a fait le charh, n'est-ce pas, l'explication du texte de l'imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala. En passant, je rappelle encore une fois, n'est-ce pas, que pour ce genre de cours délicats, n'est-ce pas, qui traitent de sujets qui sont sensibles et ainsi de suite, on prend notre temps, n'est-ce pas, pour lire le texte en tant que tel, pour l'expliquer mot par mot et lettre par lettre. Ce n'est pas des cours comme ça généraux de wa'd, n'est-ce pas, de rappel, n'est-ce pas, que tu dois être bon envers tes parents et ainsi de suite. Ça doit être des mots qui soient précis. C'est pour ça que c'est un cours qui est académique et on doit prendre vraiment le texte en tant que tel et l'étudier mot par mot et lettre par lettre de façon qui est en quelque sorte prudente pour ne pas dire des choses qui n'ont rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit ici, فَلَا يَخْرُدُ مِنَ الْإِسْلَامِ. Il ne sort pas de l'islam بِرْتِكَابِ الذَّنْبِ par le simple fait qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne vas pas dire parce que quelqu'un a bu de l'alcool, tu vas dire c'est un mécréant. T'as vu quelqu'un avec des mécréants en train de boire de l'alcool, c'est un mécréant comme eux. Wal'iyadu billahi ta'ala. On va voir tout à l'heure, incha'Allah, que ça c'est la croyance des khawarij. Il dit tant que ma lam yastahillahu, tant qu'il ne commet pas al-istihlal. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'istihlal? Non. Al-istihlal, ça vient du mot halal. N'est-ce pas? Al-istihlal, c'est rendre licite. Ce qui ne l'est pas. Celui qui boit de l'alcool n'est pas sorti de l'islam. Mais celui qui boit de l'alcool et qui va commettre l'istihlal, qui dans ce cas va être quoi? Le fait de prétendre que l'alcool est halal, n'est-ce pas? Quelqu'un va boire de l'alcool, va dire « Ya akhi, taqillah, crains Allah, fais ta taouba, reviens vers Allah », il va te dire « J'ai rien fait de mal, c'est halal ». Ça c'est istihlal, n'est-ce pas? Et ça c'est l'une des formes de ar-ridda, ça veut dire d'apostasie qui sont claires. Quand une personne fait le istihlal, elle prétend ou bien elle rend licite, elle légalise quelque chose qui est clairement interdite dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit bien clairement interdite. C'est parce qu'il y a des choses qui sont interdites que le commun des personnes ne connaissent pas, n'est-ce pas? C'est seulement les ulama, c'est les savants et ainsi de suite qui les connaissent. Mais on parle ici des grands interdits de l'islam, comme la fornication, comme, n'est-ce pas, le porc, comme l'alcool et ainsi de suite, que même en général, les non-musulmans savent que c'est interdit en islam, que les musulmans ne mangent pas de porc, ne boivent pas d'alcool et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc ici, il dit, مَا لَمْ يَسْتَحِلْ لَهُ. Tant qu'il ne rend pas licite ce péché-là qu'il a commis et qu'il vient de commettre en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, أَوْ يُكَذِّبْ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Ça veut dire, il dit ici, la seule situation dans laquelle la personne sort de l'islam, c'est quand quelqu'un rend licite ce qui ne l'est pas, ou bien que quelqu'un va rejeter une partie du message du prophète, alayhi salatu wa sallam, comme par exemple, quelqu'un qui va en quelque sorte traiter de mensonge une information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a accordée. Comme par exemple, si quelqu'un va dire, le paradis n'existe pas. Quelqu'un va dire, moi je suis musulman, mais le paradis n'existe pas. Est-ce que cette personne sort de l'islam? Oui, c'est parce qu'il traite de mensonge, n'est-ce pas, une information qui est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. J'ai une question par rapport à ça. Si une personne, elle dit, par exemple, que l'alcool est halal, non. Et que, après ça, donc, dans cette situation-là, il faut lui montrer les preuves, genre, du Coran, on dit, voilà, c'est Allah, et genre, on lui montre le Coran, on lui dit, voilà le verset qui rend l'alcool haram et tout ça. Oui. Et après ça, s'il dit non, je ne crois pas à ça, donc il devient kafir. C'est pas automatiquement non. Oui, exactement. Ça, on va le voir plus tard, Inch'Allah ta'ala. Il y a une différence, n'est-ce pas, on a, je pense, c'est dans cette section, bien la section d'après, Inch'Allah ta'ala. C'est important ici, on va quand même le mentionner, parce qu'on a déjà commencé de parler de la question de l'kufr et de l'iman. Il faut faire la différence entre traiter l'action comme ça en tant que telle, théoriquement, ici on parle d'une personne théorique, n'est-ce pas, X, Y, entre traiter quelqu'un de kafir théoriquement et entre traiter maintenant une personne en particulier de kafir. Vous comprenez? Ok, je vais réexpliquer. Différence entre, moi je dis maintenant, je vous le dis très clairement dans le cours, c'est parce que c'est un cours qui est théorique, on parle des règles en tant que telles, ça doit être compris. Tout celui qui croit, tout celui qui prétend que l'alcool n'est pas interdit en islam, c'est un kafir. Il est sorti de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle takfiru an-naw'. Ici, on parle de la théorie. Mais il y a quelque chose après qui est beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus sensible, qui est takfiru al-ayn. N'est-ce pas? C'est faire le takfir d'une personne en particulier, n'est-ce pas? Quelqu'un est venu ici au cours, il a entendu ça. Juste ce soir, il va parler avec un frère, il va dire, mon frère, l'alcool, etc. Il va dire, l'alcool, c'est pas interdit en islam. Il va dire, sur le champ comme ça, t'es kafir, je viens de l'apprendre ce matin dans le cours. Non, c'est pas vrai. Takfir ou l'ayn, quand t'arrives à faire le takfir de la personne en tant que telle, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui est plus complexe. Ça veut dire, ce n'est pas quelque chose qui est ouverte comme ça et libre au commun des personnes. C'est quelque chose qui est en général, je dis bien en général, il y a des exceptions, qui est réservé aux personnes de connaissance. C'est parce qu'on ne va pas parler de ça, c'est tout un autre sujet, n'est-ce pas? Il y a des règles aussi qui régissent comment on décide qu'une personne devient un kafir. Ça veut dire qu'il y a toute une procédure, n'est-ce pas? Quand par exemple, petite révision ici de l'Qawa'id al-Fiqhiyya, n'est-ce pas? Quand on a fait le cours sur les maximes de la jurisprudence, l'une des maximes qu'on avait, c'était quand on avait dit que الأحكام الشرعية, les règles de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala sont toutes conditionnées par et ne sont applicables que quand toutes les conditions sont réunies et il n'y a pas de et en absence de d'empêchement. Al-mawani', voyez-vous, shurut et al-mawani'. Ça veut dire quand tu arrives à faire le takfir de la personne en tant que telle, il y a des shurut, il y a des conditions, n'est-ce pas? L'une des conditions qui peuvent s'appliquer parfois, pas pour toutes les situations, c'est al-ilm. Ça veut dire la connaissance. Est-ce que cette personne-là, elle connaît ou bien elle ne connaît pas? L'ignorant, ce n'est pas comme le savant. Il y a une différence, voyez-vous. Donc, un mani' qu'une personne pourrait avoir, un empêchement qu'une personne pourrait avoir, c'est quoi? C'est la contrainte. Al-ikrah. Quelqu'un a dit quelque chose qui est considéré comme un kufr, n'est-ce pas? Mais quand tu vas faire une enquête avec lui, tu vas t'asseoir avec la personne, il va te dire, je suis contraint, j'ai été menacé de mort. Si je ne dis pas une telle chose qui est considérée comme un kufr dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on va m'exécuter. Donc, pour sauver ma peau, je n'ai pas eu d'autre choix que de dire quelque chose qu'en réalité, je ne crois pas en cette chose-là. Donc, on ne va pas détailler ça, c'est toute une science. Il y a des livres que les ulama, ils ont écrits, etc. Mais il y a des règles qui régissent le takfir de la personne en tant que telle. Donc là, on est en train de dire comment est-ce que la personne, elle sort de l'islam, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on va prendre ces choses-là et qu'on va les appliquer sur X ou Y ou Z des personnes, sauf dans les situations qui sont vraiment flagrante. Il y a des situations, bien sûr, qui sont flagrantes. Quand quelqu'un il te dit, bon, moi, par exemple, je ne crois pas vraiment au prophète, alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas, ou bien quelqu'un qui insulte ouvertement Allah, subhanahu wa ta'ala, il insulte le Coran, le Karim, il insulte le prophète, alayhi salatu wassalam, et ainsi de suite. Ça, c'est un kufr, la yahtamilu at-ta'wil. Ça, c'est, tu n'as pas besoin d'attendre, voyez-vous. Mais pour les questions plus subtiles, comme on va les détailler, inshallah ta'ala, où la personne pourrait être ignorante, il a besoin d'explications, il a une shubha, une ambiguïté, ainsi de suite, on doit être plus prudent et laisser là pour les personnes de connaissance. Oui. Mais si quelqu'un il a dit une parole de coffre, mais pour plaisanter, La même chose. En théorie, quand quelqu'un dit une parole de coffre, n'est-ce pas, il y a pas de différence entre la plaisanterie et entre le sérieux. C'est parce que la plaisanterie en islam, quand quelqu'un est en train de, n'est-ce pas, de rigoler, en islam, comme on l'a vu dans certaines règles, quand on a parlé de al-qawa'id fiqhi et ainsi de suite, dans la jurisprudence, cette personne est quand même un mukallaf, un responsable, n'est-ce pas, entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Les seules situations que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, c'est quoi? L'oubli. An-nisyan. La contrainte. Al-ikrah. Je suis contraint, je suis forcé à le dire. Quoi d'autre? Al-khata, l'erreur, n'est-ce pas? Quelqu'un voulait dire quelque chose, un autre mot est sorti de sa langue, comme celui qui était tellement heureux, n'est-ce pas, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a remis son chameau, n'est-ce pas? Le hadith qui est connu, qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Il a dit, oh Allah, t'es mon serviteur et je suis ton seigneur. Akhta'a min shiddatil farah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Cette personne-là était tellement joyeuse qu'il a, il n'a pas contrôlé ses mots, il a inversé. N'est-ce pas? Il n'y a pas un kufr pire que ça, le fait de dire que quelqu'un dise à Allah, subhanahu wa ta'ala, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Est-ce qu'il est sorti de l'islam? Non, c'est parce que c'était une erreur. N'est-ce pas? Quelque chose mal qui est sorti de façon qui est involontaire en quelque sorte. Quoi d'autre? An-na'im. Celui qui... en train de dormir, n'est-ce pas, celui qui dort lors de ton sommeil, tu n'es pas responsable. Al-majnoun, hatta ya'qil, celui qui perd conscience, n'est-ce pas, celui qui perd sa raison et ainsi de suite, il n'est pas responsable. La personne qui n'a pas atteint l'âge de puberté, elle n'est pas responsable aussi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il dit du kufr ou autre chose, ce n'est pas un mukallaf. Mais celui qui n'est pas dans ces situations-là et le reste des situations que les ulama ont mentionnées, la plaisanterie n'est pas une situation qui nous fait sortir de... at-taklif. Et la personne est quand même responsable. Donc, en théorie, comme j'ai dit, différence entre théorie et entre maintenant appliquée à la personne en tant que telle. Mais en théorie, si quelqu'un il dit une parole de kufr en plaisantant, ça ne change rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'il sait que ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose qui est mal, qui est interdit. Il n'a pas à connaître que c'est du kufr. Mais tant qu'il sait que ça, c'est une chose qui est mauvaise, qui est interdite dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça pourrait le faire sortir de l'islam. On ne va pas entrer dans ça, c'est parce que ce n'est pas dans le texte en tant que tel, n'est-ce pas? Et ces questions de iman et de kufr ne vont jamais finir. Si on va commencer à entrer dans les détails. Mais nous, on veut se tenir, inshallah ta'ala, à l'essentiel, ça veut dire ce qui est dans le texte en tant que tel. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. Parmi, qu'est-ce que vous nommez, la colère ne fait pas partie de ces... La colère, elle fait partie de al-mawani', des empêchements, de ce qui nous fait sortir de la situation de taklif. Ça veut dire on devient comme ça pas responsable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la colère, elle atteint un certain degré où la personne devient comme une personne qui a perdu sa raison. Là, il n'est plus responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala, même si peut-être il est coupable d'avoir causé la colère en tant que telle. Mais ça, c'est une autre chose. Vous comprenez? Oui. Mais d'autre part, ils disent, voilà, les musulmans croient... Oui, on va le voir, Inch'Allah, on va le voir. S'ils vont nier, si une personne nie, n'est-ce pas? Si une personne va nier quelque chose qui est « mimma ulima min ad-darurati, min din al-islam », des choses qui sont claires dans la religion d'Allah, clairement énoncées dans le Coran, clairement énoncées dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des choses qui font partie de « idma'u al-muslimin », ça veut dire à travers les siècles, les musulmans se sont tous entendus sur... ce genre de choses et ainsi de suite, ça c'est une personne qui va sortir de l'islam. Et comme on l'a mentionné, quand quelqu'un il dit que je suis un musulman et qu'en même temps il est en train de faire le kufr qui est direct et qui est clair, le fait qu'il dise musulman ou bien qu'il ne le dise pas, c'est comme l'employé qui a été mis dehors. Voyez-vous, donc ça ne change rien. Ce n'est pas à la personne, elle, de décider, n'est-ce pas? Bien sûr, la réponse qui va venir toujours, pourquoi tu me juges? Qui t'a donné le droit de me juger, de dire que moi je suis kafir, n'est-ce pas, etc., etc., etc. C'est pas moi qui t'a jugé, n'est-ce pas? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a jugé. Allah subhanahu wa ta'ala a jugé, donc toi, il n'y a personne qui t'a forcé. Mets-toi devant la réalité, n'est-ce pas? Moi je veux du bien pour toi, je veux que tu choisisses le chemin de la guider, ainsi de suite. Maintenant, si toi tu choisis de prendre un chemin qui est opposé, complètement contradictoire au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, fais tes choix, sois clair avec toi-même, vous comprenez? Non. Rapidement, Inch'Allah, pour qu'on puisse avancer. Oui. Juste pour être sûr, Takfir Nar et Takfir Lain. Takfir Nar, c'est genre en théorie, par exemple, on va dire cette action. Takfir Nar, c'est faire le takfir d'une personne qui n'existe pas en réalité. Ça veut dire une personne morale. N'est-ce pas? On va prendre une personne dans le cadre du cours, une personne qui n'existe pas. On va l'appeler la personne XYZ. N'est-ce pas? On va étudier différentes possibilités. On va dire, si cette personne-là insulte Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un kufr. Kufrun mukhrijun mina al-milla, kufrun akbar. Si la personne, elle va renier des parties connues de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'interdiction de la fornication par exemple, cette personne-là va sortir de l'islam. Ça c'est ce qu'on appelle takfir al-naw'. Là tu dois être clair, n'est-ce pas? Tu dois connaître tes règles et tu ne dois pas avoir honte ou bien être gêné de... les enseigner aux gens quand tu les connais. Maintenant, après ça, de faire appliquer, de faire relier ces règles-là de takfir à X ou bien Y personnes qui existent dans la réalité, ça c'est quelque chose qui est, c'est un autre domaine qu'on doit réserver en général pour les personnes de connaissance. C'est parce qu'il y a d'autres règles qui sont nécessaires à connaître avant de dénoncer ce genre de jugement. C'est pour ça que dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va le voir plus tard, inshallah, il y a des pratiques comme l'istitaba, n'est-ce pas, pour certaines formes de kufr, n'est-ce pas, cette personne-là. Ça veut dire on n'est pas précipité dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala rapidement comme ça à faire le kufr, aller le plus tôt possible, aller on fait le takfir, aller rapide, on fait le takfir. Non, n'est-ce pas, on fait ce qu'on appelle par exemple l'istitaba, quand on voit qu'une personne, n'est-ce pas, il y a un certain lieu à l'erreur, à l'ignorance, ainsi de suite, on fait de notre mieux pour ramener cette personne-là à la... à la taouba, au droit chemin, ainsi de suite. Peut-être qu'il ne sait pas, peut-être que, n'est-ce pas, il a eu des ambiguïtés, il a entendu des choses, il a lu des choses dans les médias, ainsi de suite. Il répète des choses sans nécessairement comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On essaye de le ramener à la raison avant de décider du kufr en tant que tel. Donc parfois, le takfir, dans certaines situations, c'est quelque chose qui va prendre des semaines, des mois, ainsi de suite, avant que ça devienne vraiment clair et évident que cette personne-là est vraiment sortie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Taïb, on ne veut pas s'étaler sur tous les exemples, c'est parce que ça ne va jamais en finir. Mais je vais bravement répondre à ta question. Le frère, il dit, si quelqu'un, il croit au Coran, il ne croit pas au, à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça, c'est un... Est-ce que cette personne-là, elle sort de l'islam? En théorie, oui, c'est un kufr. Pourquoi est-ce que oui, c'est un kufr? C'est parce que si tu penses aux implications de ça, n'est-ce pas? Ça va tout simplement effacer 75% ou si, peut-être plus des pratiques de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Parce qu'en pratique, quelqu'un qui va renier la sunna, si on va vraiment appliquer ça, ça veut dire prendre des implications de ça, ça veut dire qu'il n'y aura plus de... Salatul Eid, les détails de la salat, ça y est, n'est-ce pas, on ne va plus les prendre en considération et ça ne va jamais en finir. Il n'y a pas de salat al-janaz, il n'y a rien. N'est-ce pas? Il ne va plus te rester les presque rien des pratiques connues de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand on arrive à la personne, là c'est différent. La plupart des personnes qui disent on applique le Coran et pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart de ces personnes-là répètent aveuglément, n'est-ce pas, et entre guillemets comme ça, excusez-moi pour le mot, bêtement, quelque chose qu'on leur a enseigné sans nécessairement comprendre ni pourquoi, ni quelles sont les implications. Ce qu'on va leur dire, c'est que, attention, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont mélangés. Il y a des hadiths qui sont vrais, il y a d'autres qui sont faux, n'est-ce pas? Bukhari, bon, il paraît que ce n'est pas tout le monde qui accepte Bukhari, n'est-ce pas? Muslim, c'est la même chose. Ah, il paraît qu'il y a des personnes qui font des mensonges sur le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ah, les hadiths, ce n'est pas quelque chose qui a été compilé sur place, et ainsi de suite. Donc, on va lui dire, ça implique que les hadiths, ce n'est pas quelque chose vraiment que tu dois prendre à pour garantie. Et on va lui dire, par exemple, les hadiths, c'est ce qu'on appelle la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on va lui dire que la sunna, ça veut dire ce qui est optionnel dans la religion, quelque chose qui est de deuxième degré. Voyez-vous? Donc lui, il va répéter bêtement ce qu'on lui a enseigné. En général, c'est quelqu'un qui n'a jamais peut-être lu le Coran Karim une fois dans sa vie, du début jusqu'à la fin. Donc il croit vraiment que, par exemple, les pratiques connues de l'islam, salatul Eid, janaz, etc., tout est dans le Coran. N'est-ce pas? Si tu vas expliquer à cette personne, tu vas lui dire, attention, voilà les implications de ce que tu es en train de dire. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos du fait de devoir obéir au prophète, alayhi salatu wasalam, ainsi de suite. Là, la personne, en général, va revenir à sa raison si c'est quelqu'un qui est sincère. Vous comprenez? Donc, il y a une différence à faire encore une fois ici entre takfir al-naw' et takfir al-ayn, faire le takfir de la personne en tant que tel. Est-ce que c'est clair? Très bien. On revient à ce que l'imam Tahawi, rahimahullah ta'ala, ou bien l'imam Ibn Abil Izz, il a mentionné. Il dit que la personne, quelqu'un qui se dit musulman, qui montre qu'il est musulman, ne sort pas de l'islam, sauf s'il fait le istihlal. Première possibilité, ça veut dire s'il déclare licite ce qui est clairement illicite dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'il va rejeter une partie des croyances de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et lui, il va la rejeter. Il va dire, je n'y crois pas. Il va dire, c'est seulement dans ces deux situations-là que la personne, elle sort de l'islam. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il est en train de dire l'imam Ibn Abil Izz alayhi rahmatullahi ta'ala? Est-ce que c'est vraiment les deux seules situations qui existe pour le kufr en tant que tel? Pourquoi non? Mais quelqu'un peut faire le kufr, mais comme un terme. Il peut penser quelque chose sans le dire. Penser quelque chose sans le dire, quoi d'autre? Il a tendance à suivre le madhhab Hanafi aussi, non? Exactement. Ici, il a tendance, Imam Ibn Abil Izz, il revient encore une fois, n'est-ce pas? À son foyer. Il revient à son madhhab de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ce genre de contradiction. C'est comme il vient et il part. Il vient et il part. Pourquoi ici? C'est parce qu'il considère que l'iman, c'était quoi? Le cœur et la parole. C'est la croyance, n'est-ce pas? Ça commence dans le cœur et, bien sûr, quand la personne elle va témoigner avec sa langue. Voyez-vous? Donc, il n'inclut pas les actions dans le concept de l'iman. Donc, il te dit. Le kufr, ça veut dire la mécréance, c'est l'opposé de l'iman, ça veut dire de la foi. Et le kufr dans cette situation-là va être quoi? Le fait de renier des croyances, ça veut dire de dire non, non, la croyance que l'alcool est haram, c'est pas vrai. Je n'y crois pas, ça veut dire je crois que l'alcool est halal. La croyance du fait de croire au paradis, je n'y crois pas. Ça veut dire le paradis, il n'existe pas. Et ainsi de suite. Donc, il te dit le kufr est limité à ce genre de situation. Ça veut dire le kufr va être ce qui va aller à l'encontre de la croyance. Et ça, on avait mentionné que c'est quelque chose qui est fausse. Et même en pratique, amaliyen, quand on arrive au livre, et on avait déjà mentionné ça, mais je le répète, quand tu vas lire dans les livres de jurisprudence des Ahnaf, des savants de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, de son madhab, tu vas trouver que dans leurs livres, n'est-ce pas, de jurisprudence, ça veut dire les pratiques de l'islam, comme il y a fréquemment dans les livres de jurisprudence en islam, tu vas trouver un chapitre sur Ar-Ridda, sur l'apostasie, n'est-ce pas? Et tu vas trouver que les savants de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, sont des plus durs sur la question de l'apostasie. Ce qui va complètement à l'encontre de leur beau concept de la foi que l'iman, si seulement, n'est-ce pas, la croyance dans le cœur et ainsi de suite. Mais comment est-ce qu'ils vont faire? On avait déjà mentionné qu'ils pourraient nous faire une révision comme ça. Il y a des savants, par exemple, n'est-ce pas, de madhab de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, qui te disent, écoutez ça, cet exemple, que si quelqu'un prend un verre d'alcool, wal'iyadu billah, en sachant que ça, c'est de l'alcool, et il va dire « Bismillah » et il va commencer à le boire. Selon certains ulama de madhab de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, ça c'est un kufr, c'est une mécréance, il sort de l'islam. Est-ce que ça, c'est compatible avec ce qu'il est en train de nous mentionner ici, la théorie? C'est une action. Voyez-vous, c'est incompatible. Lui, il te dit ici dans la théorie, n'est-ce pas, que la personne, elle ne sort de l'islam que si elle renie des croyances. Alors que lui, il vient de boire un verre d'alcool, mais parce qu'il a dit « Bismillah » avant de faire cette chose-là qui est interdite, il est sorti de l'islam. Ça veut dire à travers une action, pas à travers une croyance. Il te dit « Non, non, l'alcool c'est halal, l'alcool c'est haram, a'oudou billah, ça c'est haram, Bismillah » et commence à boire. Il va te dire ça, cette personne-là, elle sort de l'islam. Pourquoi est-ce qu'elle sort de l'islam selon vous? Oui. Parce qu'ils vont dire que celui qui a dit Bismillah en buvant de l'alcool, c'est comme si il se moque de... C'est une moquerie, n'est-ce pas? Istighfaf, istihza, bidinillahi azza wa jal. Quand quelqu'un il sait que ça c'est interdit, mais va dire Bismillah, ça veut dire à l'intérieur de son cœur, n'est-ce pas? Il n'y a pas du tout de ta'zim, de vénération d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Il se moque de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Vous comprenez? Mais comment est-ce que l'ahnaf maintenant ils vont mettre le lien entre la théorie, entre cet exemple-là selon vous? Comment est-ce qu'ils vont justifier? Si tu vas prendre l'un des savants des Ahnam et tu vas dire, mais comment est-ce que tu dis que c'est un kafir alors que dans votre théorie, vous dites que le kufr ne peut arriver qu'à travers quelque chose qui va à l'encontre des croyances en tant que tel. Comment est-ce qu'ils vont le justifier? Oui. Ok. Exactement. Donc, lui, il va te dire, non, non, non, c'est pas à travers l'action en tant que telle qu'il est sorti de l'islam, mais l'action nous indique qu'il y a un kufr à l'intérieur du cœur. Voyez-vous, donc, il va dire, lui, non, non, non, parce que l'action est mauvaise, une telle action ne peut exister que si dans le, à l'intérieur du cœur, il y a eu un kufr, ça veut dire un istihlal de ce qu'il est en train de faire, ça veut dire qu'il considère que ça, c'est licite, même si avec sa langue, il dit que c'est illicite. Voyez-vous, donc, le résultat final est le même. Le résultat final est le même, sauf que nous, on va encore une fois faire un commentaire sur ce que l'imam Ibn Abi al-Izz, alayhi rahmatullahi ta'ala, il a mentionné ici. On va dire que selon la majorité des savants, n'est-ce pas, ce n'est pas vrai. Le kufr n'arrive pas avec le simple istihlal ou bien le fait de renier ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ramené, n'est-ce pas? Le kufr peut arriver aussi par les actions, par une action d'une personne qui peut être considérée comme un kufr en tant que tel. Est-ce que c'est clair? Il y a l'un des savants contemporains, si vous êtes intéressé, après les personnes sont intéressées, je pourrais vous donner le titre, inshallah ta'ala. Il y a l'un des savants contemporains qui a écrit un livre comme ça, n'est-ce pas, pour démontrer que selon tous les grands savants de l'islam, il a mentionné, je pense, 70 ou plus grands savants de l'islam comme ça, de tous les madahib, de toutes les écoles de jurisprudence à travers les siècles, que tous considèrent que la mécréance peut arriver avec les actions aussi, pas seulement avec les croyances qui sont à l'intérieur du cœur, comme les gens ont tendance à croire de nos jours. Oui. Si admettons une personne comme il fait une action qui n'est pas bonne, mais en liaison, il ne croit pas, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala ou. On a répondu à ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait dit? Si quelqu'un est liaise, ça veut dire il rigole, n'est-ce pas? Il pense qu'il est en train de rigoler, n'est-ce pas? De plaisanter, on avait dit que ça ne change en rien. Ça ne change en rien, c'est parce qu'il est quand même responsable devant Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Après ça, il nous dit « فَنَحْنُ قَدْ أُمِرْنَا بِالْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَنُهِينَا عَنِ الظَّنِّ وَاتِّبَاعِ مَا لَيْسَ لَنَا بِهِ عِلْمِ » Il dit c'est parce que dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous contenter des jugements qui sont apparents. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de présumer sur ce qui est à l'intérieur des cœurs de la personne, comme quand Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, il dit quoi? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا. Et dans l'autre verset, أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne faut pas avoir الظن. Ça veut dire الظن, c'est quoi? C'est les pensées qui ne sont pas fondées. N'est-ce pas? Je vais assumer, je vais présumer que toi, dans tes yeux, tu as l'air d'un munafiq. Tu nous caches quelque chose à l'intérieur de ton cœur, n'est-ce pas? Est-ce que ça, on peut le faire? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas ordonné d'aller chercher ce qui est à l'intérieur des cœurs des gens. Ça veut dire qu'il faut comprendre une règle très importante. Tous les jugements que nous emportons dans ce bas monde sont reliés aux apparences. Que ce soit dans le bien ou que ce soit aussi dans le mal, n'est-ce pas? Je m'excuse, tu me montres un mal, n'est-ce pas? Dans ton comportement, tu me montres un mauvais comportement et ainsi de suite. Je vais prendre mes précautions. Voyez-vous? Je vais prendre mes précautions, je vais prendre mes distances. Tu vas me dire, non, non, non, mais moi, tu sais pas qu'est-ce que je fais entre moi et entre Allah, subhanahu wa ta'ala, tu sais pas qu'est-ce que je fais, qiyam ul-layl, etc. Ça, c'est pas de mes affaires. Moi, j'ai pas dit que tu vas aller au paradis ou en enfer, ça, c'est entre toi et entre Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais moi, ce qui est pour moi, c'est quoi? C'est les apparences. C'est les apparences. Voyez-vous, donc, pour faire une petite révision dans ce qu'on avait mentionné lors de notre dernier cours, quand on avait parlé un peu de l'iman et de l'anifaq et de l'kufr et ainsi de suite, on a la communauté de ce qu'on appelle, entre guillemets comme ça, les pratiquants. Ça veut dire les gens qui ont l'air de pratiquer la religion. Comme les frères que tu vas retrouver mettant 5 fois par jour à la mosquée. À chaque fois que tu vas au masjid, le frère il vient, il est là pour le fajr, pour le dhuhr, pour l'asr, pour maghrib, isha. Il assiste avec toi à la halaqa du Coran, il apprend le Coran karim et ainsi de suite. Ce frère-là, en apparence, il a l'air d'être quelqu'un qui est sur le droit chemin. Maintenant, de tous ces frères-là, est-ce qu'on est en train de dire que tous ces frères-là sont saints à l'intérieur de leur cœur? Non. Il y en a que peut-être à l'intérieur du cœur en tant que tel, n'est-ce pas? Le iman est très faible. N'est-ce pas? Que ça, c'est une partie des actions que toi, tu peux voir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala connaît qu'il y a d'autres mauvaises actions que toi, tu ne peux pas voir. Pire encore, ça peut être un munafiq khalis, ça veut dire ça peut être un hypocrite majeur qui cache qu'il est en train de... que c'est un mécréant et qui assiste avec les musulmans pour telle ou bien telle autre raison. Le contraire aussi est vrai, n'est-ce pas? Moi, ces personnes-là qui viennent à la mosquée, je vais les traiter selon leurs apparences. Je vais dire, c'est des frères, ils viennent, ils pratiquent l'islam, inshallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leurs actions. Je vais demander leur aide pour les bonnes initiatives et ainsi de suite. Maintenant, de l'autre côté aussi, il y a les musulmans, encore une fois, pour prendre le minimum, comme ça, garanti pour s'entendre avec tous les ulama, il y a des musulmans mettant que, bon, lui, il fait ses 5 prières, n'est-ce pas? Mais pas grande chose à part ça. Et lui, c'est le gars qui fait la prière de Isha, et après la prière de Isha, il va au bar. Prie Isha, après ça, il va au bar, n'est-ce pas? Son projet commercial, ce qu'il fait comme commerce, c'est le riba, l'interdit, ainsi de suite. Quelqu'un comme ça aussi, c'est la même chose. Moi, je vais voir ses apparences. Je vais dire que ça, c'est quelqu'un qui est un peu éloigné du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide, ainsi de suite. Parce que c'est comme ça que je le vois. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que toutes les personnes qui sont comme ça, qui se retrouvent au bar après l'Isha et ainsi de suite, n'est-ce pas, que peut-être qu'il y en a parmi eux qui sont comme ce qu'on avait mentionné la dernière fois, comme dans le hadith du prophète, alayhi salatu wa salam, al-Bari de Banu Israël, qui avait donné à boire un chien qui avait soif. Ça veut dire que toi, tu ne sais pas. Peut-être que parmi ces gens-là que toi, tu vois, qui part au bar après l'Isha et ainsi de suite, n'est-ce pas, il y a l'un d'entre eux que lui, entre lui et entre Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait certaines bonnes actions, n'est-ce pas, qui ont fait que sa valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une valeur qui est extrêmement haute et que son iman est plus grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que certaines des personnes que tu vois, toi, à la mosquée, qui prie avec toi et qui font la halaqa du Coran avec toi et ainsi de suite. Vous comprenez? C'est comme la question, bien sûr, l'exemple le plus frappant qui revient à chaque fois, n'est-ce pas? Entre les sœurs, ça arrive la friction comme ça. Quand une sœur fait la da'wa à une autre sœur, par exemple, sur la question de al-hijab, ou bien la sœur qui porte le hijab avec la sœur qui porte le niqab et ainsi de suite, n'est-ce pas? La réponse qui vient toujours, pourquoi tu me juges, n'est-ce pas? Et moi, je suis meilleur que toi et tu ne sais pas que ce que moi, je fais entre moi et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ça la question. Il n'y a personne qui a jugé de la valeur de la personne entre elle et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est vrai qu'une personne qui ne porte pas le hijab, une personne, pas toutes les personnes, une personne qui ne porte pas le hijab pourrait être meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'une autre personne qui porte le hijab. La même chose entre le hijab et entre le niqab et ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais quand tu parles de l'action en tant que telle, c'est différent, n'est-ce pas? Quand tu donnes un conseil à une personne, tu lui parles de l'action. Moi, je ne t'ai pas jugé sur ton au-delà. Comme moi, je t'ai dit, « Ya akhi, ittaqillah, ne va pas au bar, telle chose, ne me dis pas, mais toi, tu ne sais pas qu'est-ce que je fais moi entre moi et entre Allah subhanahu wa ta'ala. » Moi, je fais seulement l'amr bil ma'ruf wa nahi ani. Anmoun, quand je te donne la nasiha parce que je veux du bien pour la société, je veux du bien pour toi. Maintenant, entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala, ce que tu as dans ton cœur, je n'ai pas jugé de ça. C'est parce que ça, ce n'est pas mon domaine. Ça, c'est, en quelque sorte, ça fait partie de la seigneurie et de ar-rububiyya d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Oui. Non, le non-musulman, al-aslu, rappelle-toi, n'est-ce pas? C'est quoi la qa'id al-fiqhiyya? La maxime qu'on avait vue dans le qa'id al-fiqhiyya. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Al-yaqinu la yazulu bi al-shak. On avait dit que la règle, c'est que toute chose préserve son état initial jusqu'à la preuve du contraire, et que la certitude ne peut pas être renversée par un simple doute. Voyez-vous, donc moi j'ai quelqu'un qui était connu, qui n'était pas un musulman, un muslim, fi dinillahi azza wa jalla, et qui a toujours été comme ça jusqu'à sa mort. Quelqu'un va me dire, mais tu n'as pas le droit de dire de lui que c'est un kafir, ainsi de suite. Tu ne sais pas, peut-être qu'il est entré dans l'islam aux derniers instants de sa vie, ainsi de suite. Est-ce que ça peut me servir de dalil pour renverser le yaqin que j'avais précédemment? Non. Comme standard, c'est que cette personne-là, elle vient de décéder, n'est-ce pas? On ne va pas prier sur elle comme on prie sur un musulman. Maintenant, est-ce qu'elle avait accepté la foi aux derniers instants de sa vie, ainsi de suite? Ça, c'est du domaine de l'akhira, de l'au-delà. Et ça, c'est une autre question qu'on va couvrir dans une autre section tout à l'heure, inshallah, la question du jugement qui est relatif à l'au-delà, dans yani le sort de la personne dans l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Taïb, le frère, il dit, et vous, vous répondez, un musulman qui se suicide, qu'est-ce qu'on fait? Le suicide, c'est quoi? C'est un péché majeur. On est tous d'accord sur ça. Est-ce que c'est un kufr? Non, c'est un péché majeur, mais ce n'est pas un kufr. Ça veut dire que le fait qu'il se suicide ne le fait pas sortir de l'islam. Donc, on fait la prière sur lui comme tous les autres musulmans. Ici, il faut distinguer, bon, je vais clore avec ce point, inshallah ta'ala, pour cette partie-là. Il faut distinguer entre la question de prier sur lui en tant que communauté Et entre quelque chose de complètement différent, à ne pas mélanger avec ça, qui est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas sur certaines personnes, comme celui qui est mort et qui a laissé derrière lui des dettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas sur lui avant qu'on ne rembourse les dettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas sur certaines personnes qui commettaient certains péchés majeurs et ainsi de suite. Ça réfère à quoi ici? Ça réfère au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Ça veut dire la communauté, elle prie quand même sur une telle personne. Mais comme les ulama, ils disent, comme de nos jours, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas parmi nous. Alaykoum salam wa rahmatoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas parmi nous, n'est-ce pas? Mais la communauté en tant que telle, elle prie sur une telle personne, quelqu'un qui se suicide par exemple et ainsi de suite. Mais comme les ulama, ils disent, parfois on va demander aux dignitaires, comme les savants par exemple, on va leur demander de ne pas assister à la prière d'une telle personne. Vous savez pourquoi? C'est pour que ce soit un rada, un avertissement, pour que ça fasse peur aux autres personnes. Que, ah, regarde, celui qui se suicide, ou bien celui qui était connu, n'est-ce pas, comme par exemple, quelqu'un qui était connu, qui avait un bar, n'est-ce pas, bon, il faisait sa prière, etc., mais il avait un bar, il vendait de l'alcool pendant des années. C'est quelque chose qui est gravement haram ici. Donc là, on va demander aux dignitaires, aux savants, aux personnes religieuses, ainsi de suite, de ne pas assister à sa janaza. Ça va être le commun des musulmans qui vont prier sur lui, sa famille, ainsi de suite. Pourquoi, selon vous? Parce que ça va être une leçon pour les autres. Les gens vont te dire, non, non, moi, quand je meurs, je veux que les ulama et les personnes, n'est-ce pas, religieuses et le cheikh et telle personne viennent à ma janaza, n'est-ce pas, me fassent des doigts. Je veux que ma janaza soit une grande janaza, qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont prier sur moi et ainsi de suite. Je ne veux pas me trouver dans une telle situation où ça va être seulement quelques personnes qui vont faire la janaza sur moi et prier sur moi. Donc, il ne faut pas mélanger entre les deux. L'autre, c'est une question de discipline, n'est-ce pas, à ne pas mélanger avec la question de l'iman ou bien al-kufr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne priait pas sur certaines personnes pour que ça serve de leçon pour les autres, bien qu'il y avait une partie de la communauté qui priait sur eux. C'est clair? Taïb, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.